pour les miens. Sur des choses j'aimerais être mon IA. Des fois obligé d'être chien quand on me laisse pas trop le choix. La mentale depuis gosse, Dieu donne on fait les causes. À leur place on met les choses. Ne mets pas partout ton os. Ils jalousent de nous on ose. On galère, on lâche pas le steak. Faut pas croire que c'est tout beau tout rose. Faut faire monter la mayonnaise. Braquage sous fond de mélancolie. Tu pars après toi, je vais pas courir. Tu pars après toi, je vais pas courir. Je veux pas que la victoire me rende pourri. Je traînais dans la zone, j'avais peu d'espoir, j'avais peu d'espèces. Aujourd'hui, j'écris mon histoire. La suite, je la vois belle, je l'espère. Y'a des choses, je pourrais pas m'en remettre. Je suis qu'un homme et ouais, j'ai mes limites. Plein d'actions que je garde en mémoire. Plein de gens que je peux plus me voir. Tu te demandes pourquoi, faut que tu comprennes qu'on a nos codes. Qu'on a les mêmes si tu m'aimes et que tu m'écoutes. Je préfère rester simple, les filles, ça me dégoûte. Nos trabajos, nos pagados. Combien j'ai dû m'en mettre à dos. Empoisonné et le cadeau. Y'a trop de problèmes dans le sac à dos. J'mets en jeu ma vie, j'étais compressé en ville. J'suis dans un bordel, j'suis dans un movie. J'm'en sors, j'ai bobo, je pense à baba, j'ai envie de faire TB. J'suis en vacances, j'fais des folies. Ce soir, j'suis sorti avec ma jolie. J'sens la fleur de Nevoli. Pas de parano, pas de brolis. Moi, j'suis pas trop cérémonie. Dans le vaisseau, le sang m'a pris un 62 au réseau. J'suis pas sorti, j'suis resté à la maison. J'suis blessé, merci à ce qu'ils font mes missions. J'suis pas pressé, j'raconte ma vie pour le dresser. J'arrive pas, j'résais, j'essaie de faire ma vie sans stresser. Tout le monde me reconnaît dans la ville, même quand elle est teintée la vitre. Les PDH, les traîtres à la vôtre. J'espère que vous avez vu que ça va vite. J'aime quand ça me prend pour un sgeg. Après je repasse à mon compte en banque. Et ça me fait bien rire. Faut choquer des gens frérot pour qu'on t'entende. Maman m'avait dit qu'il y avait pas trop d'amis. Qu'en traînant dehors il y avait beaucoup d'ennuis. Ça a pas manqué. J'ai fini solo toute la nuit. Ce soir je descends ma DSP. Ça rappelle l'époque du Vespa où il y avait trop d'inspi. Personne qui pouvait tester. Ça te casse la tête si tu manques de respect. J'suis en vacances, j'fais des folies. J'suis sorti avec ma jolie. J'sens la fleur de Nevoli. Pas de parano, pas de brolis. Moi j'suis pas trop cérémonie. J'me coupe en deux pour les miens. Je donne, on fait les causes. Je mets en jeu ma vie. Y'a des choses, je pourrais pas m'en remettre. Frère, simple, efficace. Comme zère de la veine.